Vous me suivez? Oui. Besoin de compagnie. Ma compagnie, pourquoi faire? Pour parler. J'ai pas envie de parler. Vous ne m'êtes pas sympathique. Vous avez une tête à avoir des drôles d'idées. Vous en avez pas, vous, des drôles d'idées? Ça vous arrive jamais, par exemple, d'avoir envie de tuer quelqu'un? Qui? N'importe qui. Et pourquoi? Comme ça, sans raison, une impulsion. Non. Jamais? Non. Même pas dans le métro? Bon. C'est pourtant facile. Bon. Mais si. Vous avez votre couteau dans votre poche? Oui. Hop, le couteau sort de la poche. Tic, madame jaillit. Tac, ça y est, le ventre est percé. Jamais, par exemple, d'avoir envie de tuer quelqu'un.